Les ventes flash de printemps Amazon, c'est maintenant. À vous les super économies sur une enceinte Bluetooth. C'est le genre de vente flash qui donne envie de danser. De virevolter. De tourbillonner. Oh non! Vous pourriez aussi économiser sur une machine à coudre. Que ce soit une enceinte Bluetooth ou une machine à coudre, faites de super économies pendant les ventes flash de printemps Amazon. Jusqu'au 25 mars. Dans la limite des stocks disponibles. Durant 200 000 ans, notre continent a été occupé par des communautés néandertaliennes qui vécurent au cœur d'un véritable isolat, le cul-de-sac de l'Europe, puis disparurent sous l'arrivée d'une vague migratoire, celle de l'homme moderne, c'est-à-dire la nôtre, il y a environ 45 000 ans. Longtemps, les archéologues et les paléontologues ont insisté sur les caractères archaïques de ce groupe humain. Toutefois, depuis quelques années, la tendance s'est totalement inversée pour en faire un être en symbiose avec son environnement. En durcissant le trait, Néandertal s'avère désormais un écologiste, par essence humaniste et même peut-être un peu artiste. Pour évoquer Néandertal, son histoire, sa pensée, ses croyances, mais aussi les sociétés au sein desquelles il vécut, Marcelotte, bonjour. Bonjour Vincent. Habitué du magazine de l'archéologie de France Culture, professeur de préhistoire à l'université de Liège, vous êtes l'incontournable spécialiste du paléolithique européen. J'ai souvenir de votre livre consacré à l'audace en préhistoire. Mais aujourd'hui, votre dernier ouvrage s'intitule « Les Néandertaliens, l'âge d'or de l'Europe » et vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Voici bientôt 30 ans, Jean Chavaillon avait lui aussi fait paraître son âge d'or de l'humanité, à savoir le paléolithique, les âges sombres n'apparaissant qu'avec l'agriculture néolithique, la sédentarité, les violences de masse et les maladies liées à la proximité des animaux, les zoonoses. Votre âge d'or, Marcelotte, est quant à lui néandertalien, pourquoi ? D'abord parce que nous sommes en Europe, tandis que le travail de Jean Chavaillon était beaucoup plus complexe, et concernait surtout l'Afrique d'ailleurs. Et puis, il concernait spécialement l'origine de l'humanité en tant qu'espèce, c'est-à-dire qu'elle quittait la condition animale pour devenir un être pensant. Donc, mon cadre est beaucoup plus restreint, à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est que le même espace géographique que celui où nous vivons aujourd'hui a été occupé pendant très longtemps par des populations totalement différentes des nôtres et qui pourtant ont subsisté malgré les variations climatiques énormes. Donc c'est un peu une manière de revalider pas seulement les Néandertaliens, mais les capacités de l'homme lui-même que de reprendre cette histoire-là. Alors, Néandertal est avant tout un Européen, ça c'est sûr, il est né en Europe, des pré-Néandertaliens. Il émerge à peu près quand ? Bon là, les théories sont un peu différentes, mais globalement, on peut situer vers 350 à 400 000 ans son origine avec les découvertes faites à Atapuerca en Espagne. En tous les cas, bon, j'ai choisi 200 000 parce que c'est un chiffre rond, mais en tous les cas, sa vie s'étend sur des centaines de millénaires. Ce qui est intéressant de voir dans sa genèse, vous faites allusion à ces traits archaïques, c'est vrai. C'est simplement parce que anatomiquement, en particulier sur le squelette, il a gardé des traces de ses origines. Simplement parce qu'il était isolé. Il a un certain moment où, dans l'histoire de l'évolution, les extensions extérieures à l'Europe, d'Asie ou d'Afrique, viennent se localiser en Europe. Mais, ils se reproduisent entre eux et gardent les traits archaïques, tandis que le flux migratoire diminue relativement à la démographie qui se développe. Donc là, effectivement, on a une population particulière aux traits anatomiques archaïques. Quel est le territoire des Néandertaliens ? Et voilà, donc vous savez, Néandertal vient d'un site près de Düsseldorf, on l'a reconnu pour la première fois en 1850, par là. La vallée de Néander ? La vallée de la Düssel. Et on a appelé Néandertal parce que simplement c'était un poète qui s'appelait Neumann, qui avait chanté les beautés de cette vallée, de cette partie de la vallée, quoi. Et en grec, Neumann est devenu Néander. Donc voilà, c'est le bassin du Rhin, globalement, là où on l'a retrouvé. Pour le retrouver en Belgique, en France, en différents endroits. Et donc c'est sûr que c'est vraiment une population propre à l'Europe. Elle n'existe pas en Afrique. On la retrouve un peu au Levant, oui, au Proche-Orient méditerranéen, et aussi en Asie centrale, comme à Téchiktas, par exemple, en Ouzbékistan. Donc, on pense que là, plutôt, ce sont des diffusions à partir du foyer européen vers l'Est qui se passaient ultérieurement. On le connaît bien sûr aussi en Irak. On pense le connaître aussi près du cercle polaire, dans un site russe qui s'appelle Bissovaï. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs là, on a retrouvé les vestiges de son activité technique. On a de là l'attribuer à une anatomie, ça me paraît un peu difficile. Simplement, ce sont des vestiges qui sont de même période. Le Néandertalien, c'est un vrai gaillard, robuste, mais aussi avec une masse cérébrale énorme, 1500 cm3, c'est bien plus grosse que la nôtre. Oui. Je suis pas très impressionné par le volume, hein, de la masse cérébrale, mais c'est vrai que c'est équivalent à celle d'aujourd'hui, peut-être même supérieur. Mais attention, lorsque l'on calcule ce volume, c'est en fait sur la base du squelette. Donc c'est l'enveloppe osseuse qui contient cet organe. C'est pas le cerveau lui-même qui, bien sûr, a disparu. Et même la masse cervicale n'est pas nécessairement en rapport avec la possibilité cognitive. On sait qu'il était équivalent à la nôtre, mais il ne faut pas trop se fonder sur des critères géométriques comme ceux-là. Mais moi, j'étudie plutôt le comportement pour voir s'il était équivalent à nous. En tout cas, Néandertal a vécu dans des conditions climatiques parfois extrêmes, avec des rétractations de populations importantes. Cette société serait donc particulièrement résiliente? Oui, elle s'adapte, disons, à tout. Puisque là, évidemment, les sciences naturelles, comme la géologie, la paléontologie, nous prouvent qu'il y a une évolution énorme dans les conditions climatiques que l'Europe a traversées pendant cette période-là. Donc on passait du climat subarctique à un climat tropical. Donc, en plusieurs reprises, il y a eu ces modifications radicales du paysage et de la faune. Et néanmoins, l'homme de Néandertal a traversé toutes ces périodes variées. Donc, il ne s'agit pas du tout d'un impact de l'écologie sur l'homme. L'homme s'est adapté absolument à toutes les conditions. Néandertal nous a laissé beaucoup de silex, des beaux silex, que les préhistoriens, bien sûr, analysent. Ils ont ainsi vu des régionalisations, pour ne pas dire une fragmentation au sein des cultures. Oui, c'est important. Vous voyez, à l'intérieur du paléolithique moyen, comme on dit en archéologie, il y a des styles. Ce ne sont pas des activités, ni des variations d'ordre technique, mais des manières de faire, avec des retouches plus ou moins élaborées. Eh bien, ces manières de faire existent à travers l'Europe de façon différente. Depuis, disons, l'Oural jusqu'au Portugal, il y a une série de traditions. C'est comme ça que je les interprète. Ce sont des traditions culturelles qui impliquent qu'il fallait tailler de certaines manières, non seulement pour rester soi-même, mais aussi pour se distinguer des autres populations. Donc la population était certes unique du point de vue anatomique, mais du point de vue culturel, présentait une série de variables régionales. Alors prenons-en une ou deux, c'est par exemple ces sortes de couteaux qu'on trouve en Allemagne, ces sortes de couteaux à dos, ça peut être aussi par exemple des racloirs qu'on trouve en Charente, ce que les préhistoriens appellent peut-être le type quina. Oui, je suis un mécréant, vous avez peut-être remarqué, mais je pense que la variation quina, par exemple, est une variation d'ordre technique, une manière de tailler silex lorsqu'il est trop petit ou trop épais, et qu'ainsi il provoque une retouche beaucoup plus abrupte que sur un éclat large. Donc, je veux dire par là que tout ce qui se passe en France, en général, participe plutôt à des variations d'ordre technique. Alors que si on compare les mêmes objets, à des endroits différents, mais à la même époque, on voit qu'apparaître des retouches bifaciales, par exemple, ou des couteaux à dos, des séries de, ou même des pièces triangulaires qui apparaissent en Crimée, par exemple, qui apparaissent en Europe centrale. Et ça, c'est, ça se maintient pendant des milliers d'années, donc c'est bel et bien une tradition. Vous me parlez de tradition et de tradition d'ordre régional. Les groupes de communautés néandertaliennes, c'est combien de personnes en général ? On a guère d'estimation, bien sûr. Ceux qui se sont lancés dans ce genre d'entreprise estiment à une cinquantaine de personnes par groupe. Mais c'est tout à fait aléatoire. C'est par comparaison aux données ethnographiques que l'on attribue ce genre d'estimation démographique. Vous avez vu ce site trouvé en Normandie par Dominique Cliquet où l'on a des pas de néandertaliens, oui, bien sûr, avec des traces d'enfants qui jouent, des traces de genoux, etc. Oui, etc. C'est très émouvant, hein, mais ça ne nous apporte pas grand-chose de plus. Sinon, qu'il n'y avait pas de sandales, ça m'a quand même étonné. Donc c'était un pied nu. Mais vous savez évidemment que les traces d'êtres humains les plus anciennes remontent à l'Aïtoli en Tanzanie, à plusieurs millions d'années. Donc là, ça, c'est sûr qu'on a déjà des traces de bipédie à cette époque-là. Donc évidemment, c'est spectaculaire ce qui se passe en Normandie, mais ça n'apporte pas grand-chose à l'intelligence de la population. En tout cas, il y a des enfants qui jouent. Oh. On le sait, le bois ne se conserve pas. Toutefois, quelques objets nous sont parvenus, comme en Allemagne. Oui, il y a très peu de choses. Hein. On a retrouvé en Afrique, en particulier, des objets en bois, lorsque c'était bien conservé sous le milieu humide. Très récemment, on vient de trouver à 400 000 ans des objets comme cela en Tanzanie. Mais le fait, par exemple, qu'il y ait des traces évidentes en Angleterre, à Clacton, en Allemagne, à Schöningen, et qu'on voit très bien que ces objets étaient très élaborés lorsqu'ils sont conservés dans des conditions humides, montre que tous les autres sites pouvaient contenir cette élaboration technique, surtout végétale, beaucoup plus que durant les périodes postérieures. Donc, autre chose, c'est que les traces d'utilisation laissées sur les outils en pierre prouvent que l'activité liée aux arbres et au bois en général, était très intense. Donc il devait y avoir l'équivalent du lithique en matière fibreuse, végétale. Vous me parlez d'outils en bois. Il s'agit de quoi exactement comme outils ? Oui, ce sont des pieux dont l'extrémité a été chauffée, par exemple ? Oui, donc à Clacton, c'est le cas. Mais ce sont des sagaies, c'est-à-dire de longues tiges de bois, bipointes, et qui peuvent être lancées. On a reconstitué expérimentalement. Et donc, c'était des armes de jet, mais aussi une arme un peu particulière qui est un killing stick, comme on dit en Australie, donc un objet qui tournoie. Il ne faut pas oublier ce mode de propulsion, et qui sert soit à abattre, soit à lever le gibier. Oui. Ou à l'assommer. Oui, mais les traces de bois concernent quand même surtout les modes d'emmanchement. Donc les outils dont vous avez parlé à l'instant, là, semble-t-il, étaient généralement emmanchés, de manière à avoir le maintenir davantage l'outil en main, et aussi à modifier l'angle de son utilisation. Et ça, on le retrouve aussi par les traces d'utilisation. Restons autour du bois, puisque vous insistez dans l'alimentation des Néandertaliens sur le végétal. Mais cette place est toutefois particulièrement difficile à percevoir. Oui. Comment vous arrivez à nous dire que Néandertal ne mangeait pas que de la viande ? Oui, mais on peut dire que, d'une façon générale, les peuples chasseurs consomment beaucoup de végétaux. Et dans la division sociale, ce sont surtout les femmes qui sont responsables de ces récoltes. Même les récoltes d'œufs, par exemple, ou de petits animaux. Mais dans le cas des Néandertaliens, on a quand même trouvé des preuves de cela avec du tartre dentaire qui contient des éléments végétaux. Et même, ils prouvent qu'ils ont été cuits, ces végétaux, et qu'ils ont été, en quelque sorte, cuisinés. Donc, il ne faut pas croire qu'ils sont des végétariens, mais ils sont au moins de deux formes d'alimentation étaient consommées. En même temps, on peut donner un petit bémol, puisque ça dépend aussi des dispositions de l'environnement qui est plus ou moins riche en aliments végétaux. Marcelotte, donc vous pensez qu'il y a déjà une différenciation des genres masculin et féminin dans les activités cynégétiques? Les femmes collectent les petits animaux sans verser le sang et les hommes se lancent dans ce que l'on appelle en anglais le big game, les grandes chasses. Je sais qu'on touche à un sujet sensible, mais il faut quand même admettre que dans les populations de chasseurs actuelles, c'est toujours le cas. Il y a une opposition, disons mythologique, voire métaphysique, entre le sang des règles et le sang de l'animal tué. Donc, généralement, c'est une division. Mais vous savez aussi, vous dites que dans les Andes, on a retrouvé des traces de chasseuses, des sépultures, donc de femmes avec l'arc et les flèches. Donc, ce n'est pas une règle générale, mais c'est quand même plutôt la tendance. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Marcelotte, Néandertal a-t-il des capacités à chasser de très gros gibiers, puisque l'Europe en possède, notamment durant les périodes froides? On peut penser à des grandes chasses collectives, à des pièges, par exemple, des choses comme ça? Oui, bien sûr, comme par exemple le mammouth ou le rhinocéros, ça c'est sûr. C'est même pas une hypothèse. On voit bien qu'il y a des fractures et qu'ils ont été tués, ces animaux-là. Hein, ce sont effectivement des chasses en groupe. Vous savez sans doute, les pygmées chassent aussi les éléphants en plantant des épieux dans le ventre, la partie la plus molle de l'individu. Mais attention, dans la chasse, c'est pas n'importe quel animal ni n'importe quel chasseur qui abat, hein, parce qu'il s'agit quand même d'un acte sacré. On tue la vie et on la prend, l'animal, et on la transmet à l'humanité. Donc c'est pas n'importe quoi, pas n'importe comment. Donc c'est sûr qu'il y avait aussi une chasse du grand gibier, mais en même temps, c'est un acte religieux, non, pour faire simple, mais aussi, selon les emplacements, selon les régions, selon les traditions, la gamme d'animaux abattus et consommés varie. Donc, ce n'est pas seulement tuer un animal, mais c'est tuer précisément cet individu-là. En revanche, Marcelotte, vous soulignez la faiblesse des outils fabriqués à partir d'ossements animaux. Pourquoi? On ne chasse pas avec des os d'animaux les animaux? Non, là, c'est très important. En même temps, c'est très évident, puisque il y a eu des milliers de sites néandertaliens fouillés, aussi bien en Asie qu'en Europe, et il n'y a jamais d'outillage en matière osseuse, alors que c'est le cas avec l'homme moderne en abondance. Donc là, d'abord, on doit le constater, c'est ainsi. Il faut donc imaginer que les outils étaient soit en pierre, soit en bois. Mais la relation à l'animal s'incarne là très précisément. C'est-à-dire qu'il ne semblait pas légitime, je simplifie, légitime dans l'esprit du chasseur, de tuer un autre animal avec les armes du précédent animal. Comme, par exemple, utiliser le bois de renne pour tuer d'autres rennes. Eh bien, ça n'était pas admis, entre guillemets, dans la société néandertalienne. C'est un des indices de leur respect de la nature et de la vie en général. Néandertal a donc un mode de vie harmonieux et respectueux de la nature, écrivez-vous? Oui. On peut dire qu'il y a une preuve indirecte, le fait que simplement ils aient subsisté pendant si longtemps, appliquaient, contrairement à nous, qu'ils respectaient l'écologie et la nature. C'est une leçon à prendre, entre parenthèses, sur le passé. Et d'autre part aussi, il y a des traces de ce respect dans les ossements isolés de certains animaux. Donc ce qu'on appelle le bucrane, c'est-à-dire les cornes de bovidés ou de... de roc, donc le bovidé sauvage, ou de chèvre, de bouquetin. Donc ce sont des parties tout à fait spéciales de l'animal qui sont préservées. On voit bien qu'il y a une vocation symbolique là, et en même temps réparties dans la sépulture. Donc il y a à la fois le fait sépulcral et l'orientation animalière. Donc on ferait aussi, par exemple, des trophées? Oui, alors là, c'est encore plus intéressant. C'est un peu comme sur les trophées d'époque romaine, quoi. Ce qui a été abattu au nom de l'humanité, au nom de la survie de l'humanité, est considéré comme sacré. Et à ce titre, donc, il est préservé tel quel, comme un signe. Je pense que cette notion-là est fondamentale dans toute l'histoire de la pensée humaine. La notion de sacré sépare la réflexion en deux. Ce que l'on peut modifier par la conscience et par la volonté, et ce qu'on ne peut pas modifier, et qui est là néanmoins, qui existe. Et ça bascule dans le domaine du sacré. Je pense même que notre manière de penser exige qu'il y ait une zone sacrée, c'est-à-dire quelque chose que nous ne connaissons pas et pour lequel on va se battre afin de le savoir. C'est ça le fonctionnement de l'esprit humain dans l'histoire, à mon avis. Vous avez visiblement, et vous citez très de nombreuses fois, Evelyn Lodfalk. Ce que vous dites est assez proche des sociétés inuites, des sociétés esquimaux. Oui, Evelyn Lodfalk a travaillé en Sibérie. C'est pas tout à fait pareil que les Inuits. Et donc, elle travaillait avec les peuples chasseurs, en particulier les Evenk, par exemple. Et donc, c'était des populations qui étaient à la fois chasseuses et surtout qui vivaient dans la steppe froide. Et j'insiste sur ce, parce que ça devait être un environnement analogue à notre Europe à cette époque préhistorique. Et alors là, c'est vraiment délicieux, son petit bouquin sur les rites de chasse. Elle montre toutes les précautions qu'un chasseur et sa société doivent prendre avant d'abattre tel ou tel animal. Ce n'est pas n'importe quel. Marcelotte, peut-on savoir ce que pensait Néandertal ? Ou mieux, pensait-il comme nous ? Rien n'est moins certain. Oui. Oui, ben je pense qu'il avait en tout cas la capacité de penser comme nous. Oui. Mais il avait peut-être d'autres préoccupations, comme la subsistance du groupe ou la définition des mouvements des animaux. Il devait avoir une pensée symbolique extrêmement développée, relativement à la nature sauvage. Donc il s'interdisait de domestiquer. Et pour le reste, je pense que oui, il y avait des traces de récits mythologique par le fait qu'il y ait des bucranes et surtout qu'il y ait des sépultures, c'est-à-dire qu'ils donnaient un destin nouveau à leurs défunts. Ça me paraît fondamental. Justement, les mythes sont là pour expliquer le monde. Aujourd'hui, une mythologie préhistorique s'amorce. Dans ce cas, les communautés néandertaliennes auraient-elles eu aussi leur propre mythologie? Et laquelle? Oui, laquelle, c'est peut-être difficile, mais qu'il y en ait eu, ça me paraît évident, puisqu'il y a toute une série de traits, comme, j'insiste sur les sépultures, même les sépultures collectives, qui montrent bien qu'il y a une notion abstraite de l'au-delà, après la vie. Donc, les mythologies qui ont dû exister devaient être naturalistes, c'est-à-dire intégrer la vie des animaux, peut-être même des plantes, dans la pensée de l'homme. Et je pense que c'était une manière aussi de respecter cette vie animale et la vie en général d'ailleurs. Et cette mythologie devait expliquer pourquoi l'homme était là et s'était imposé de respecter les autres formes de vie. En tout cas, Néandertal enterre-t-il ses morts? La réponse est oui, mais oui et non. Oui, il y a relativement peu de sépultures néandertaliennes. Disons, pour l'Eurasie, il y en a une petite centaine. Donc ce n'est rien par rapport aux centaines de milliers d'années et surtout à la population qu'on peut imaginer. Donc tous les individus n'étaient pas inhumés et ne faisaient pas encore moins l'objet de cérémonies rituelles. Alors donc, il devait y avoir d'autres formes pour passer à l'au-delà, comme nous avons un peu partout en ethnographie. Ça peut être livré aux rapaces ou jeté à la rivière ou incinéré. C'est une manière de faire disparaître le corps. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qui est absent, mais ce qui est présent. C'est-à-dire à Kafzeb, par exemple, en Israël, donc il y a une série d'individus qui constituent un cimetière. Moi, je vais jusqu'à dire que ce sont des temples, c'est-à-dire des espaces délimités, comme un Bruniquel en France, où il y a des foyers et il n'y a rien d'autre. Donc, je pense qu'il y avait des espaces sacrés, en effet. Il y a plusieurs exemples à Molodova, par exemple, en Ukraine. Néandertal et la pensée symbolique. Voici un sujet qui a été, bien sûr, extrêmement débattu. On le voit malgré tout au travers de petites phalanges d'aigles découpées, par exemple dans la grotte de Fumane en Italie. Oui. Oui. qu'il y ait une pensée symbolique, à mes yeux, ne fait aucun doute, et pas seulement avec les Néandertaliens. Le symbole, c'est très simple. C'est qu'il y a, existe quelque chose, la pensée crée un concept et agit sur autre chose avec le même concept. Donc on peut dire qu'un biface, par exemple, qui fait 1,5 million d'années, est déjà la preuve du fonctionnement symbolique. Ou n'importe quel mot, quel outil, implique du symbolisme. Mais là, ce à quoi vous faites allusion, donc les restes d'aigles, c'est encore plus intéressant parce que il s'agit d'aigles, d'ossements d'aigles qui portaient des rémiges, donc les grandes plumes du rapace. Et donc, ça implique une décoration, un souci de décoration. On va donc découper l'aigle, pas tellement pour sa nourriture, mais pour sa décoration que l'on saisit dans la nature et que l'on transpose dans le monde humain. C'est déjà une forme de récupération de la prestance de l'animal, qu'il s'agit d'un aigle, qu'on retrouve aussi à Krapina, en Croatie. Mais à mes yeux, ça ne devait pas être très fréquent dans les sociétés néandertaliennes. D'ailleurs, c'est tout à fait à la fin de leur évolution que ces manifestations apparaissent. Ce n'est pas exclu, mais ce n'est pas généralisé. Des supports ostriés comme à Bachoquiro ou celui à la Ferracie en Dordogne seraient des signes aidant à mémoriser, donc peut-être à raconter des histoires, oui. Des objets narratifs, hein, deux mots. Oui. On appelle ça des mnémotechniques pour retenir un événement. Il y en a tellement peu qu'il me paraît difficile d'élaborer, parce qu'il devait y avoir des moyens d'entretenir la mémoire. Et le meilleur moyen, évidemment, c'est le récit. C'est d'en parler et de transmettre ce récit. Donc, s'il y a eu des supports tels que ceux-là, il y en a quand même une petite série, ça ne devait être qu'un support à l'histoire qu'il illustrait par ses signes abstraits. En tout cas, qu'en est-il de l'art? Est-ce que les Néandertaliens se sont lancés dans l'art rupestre? Le sujet fait aussi extrêmement débat. Oui. C'est un sujet même qui divise les communautés, oui, de préhistoriens. Oui, en effet. Bah, ceux qui l'ont trouvé, évidemment, sont plutôt pour... Et puis, en général. Ouais. Il y a eu une controverse, en effet, à laquelle j'ai pu participer. Il y a 3 sites en Espagne où il y a des traces d'ocre rouge colorant sur les parois de grottes. Bon, ça ne m'a pas paru du tout prouvé. On a effectué des dates qui, toutes 3, donnent 65 000 ans. Ça me paraît quand même un peu bizarre d'avoir chaque fois les mêmes dates. Et de vrai, ce que j'ai vu, bon, je peux me limiter qu'à ça, ne correspondait pas à un art au sens où on l'entend avec les périodes récentes. C'est-à-dire, il n'est pas figuratif. Ce sont des signes rouges qui sont ici ou là dans la grotte, dont la date donc est controversée. Mais quand on entend art, moi je ne pense pas qu'il faille le limiter au seul art plastique, aux images. Mais l'art est aussi musical, ou dans la danse. Et vous savez, et dans le récit, vous savez aussi qu'on a retrouvé une flûte... Et en Slovénie. En Slovénie, un Divje Babje, qui est tout à fait convaincante. Et là, il y a une flûte à 5 trous, comme les 5 doigts de la main, dans un contexte tout à fait néandertalien. Marcelotte, avec l'arrivée de l'homme moderne, c'est, dites-vous, une nouvelle métaphysique conquérante où l'homme puise ses convictions, le développement de soi au détriment des autres formes de vie? Oui, je crois que c'est le début de la fin. Souvent, on place le début de la fin, comme Jean Chavaillon l'avait fait, au néolithique, c'est-à-dire au moment où l'agriculture et l'élevage apparaissent. Il y a une inflexion à cette époque-là, ça me paraît sûr. Mais pour moi, ça, ce n'est que la suite d'une histoire qui commence avec l'homme moderne chez nous vers 40 000 ans. Et donc, la relation que l'homme désormais entretient à la nature est de nature très différente que ce que les Néandertaliens avaient fait. C'est-à-dire qu'ils combattent la nature. Ils créent des images, justement. Et donc, c'est l'image qu'ils emportent sur l'animal vivant. Et aussi, justement, on voit apparaître les armes faites en matière osseuse, comme l'ivoire du mammouth, comme le bois de renne. Et là, c'est une réaction métaphysique fondamentale qui est tout à fait nouvelle. Juste avant de disparaître, les Néandertaliens auraient donc perdu leur valeur et par là même leur identité. Oui. Marcelotte, merci beaucoup. Je rappelle que vous venez de publier aux éditions Odile Jacob Les Néandertaliens, l'âge d'or de l'Europe.